Madame de Vercellis ne m'a jamais dit un mot qui sentît l'affection, la pitié et la bienveillance. Elle m'interrogeait froidement. Je répondais avec réserve. Mes réponses étaient si timides qu'elle dut les trouver basses et s'en ennuya. Sur la fin, elle ne me questionnait plus, ne me parlait plus que pour mon service. Elle me jugea moins sur ce que j'étais que sur ce qu'elle m'avait fait. Et à force de ne voir en moi qu'un laquais, elle m'empêcha de lui paraître autre chose. Je crois que j'éprouvais dès lors ce jeu malin des intérêts cachés qui m'a traversé toute ma vie et qui m'a donné une aversion bien naturelle pour l'ordre apparent qui les produit. Madame de Vercellis, n'ayant point d'enfant, avait pour héritier son neveu, le comte de La Roque, qui lui faisait assidûment sa cour. Outre cela, ses principaux domestiques, qui la voyaient tirer à sa fin, ne s'oubliaient pas, et il y avait tant d'empressés autour d'elle qu'il était difficile qu'elle eût du temps pour penser à moi. À la tête de sa maison était un nommé M. Lorenzini, homme adroit, dont la femme, encore plus adroite, s'était tellement insinuée dans les bonnes grâces de sa maîtresse qu'elle était plutôt chez elle, sur le pied d'une amie, que d'une femme à gage. Elle lui avait donné pour femme de chambre une nièce à elle, appelée Mademoiselle Pontal, fine mouche qui se donnait des airs de demoiselle suivante et aidait sa tante à obséder si bien leur maîtresse qu'elle ne voyait que par leurs yeux et n'agissait que par leurs mains. Je n'eus pas le bonheur d'agréer à ces trois personnes. Je leur obéissais, mais je ne les servais pas. Je n'imaginais pas qu'outre le service de notre commune maîtresse, je dusse être encore le valet de ces valets. J'étais d'ailleurs une espèce de personnage inquiétant pour eux. Ils voyaient bien que je n'étais pas à ma place. Ils craignaient que madame ne le vît aussi, et que ce qu'elle ferait pour m'y mettre ne diminuât leur portion. Car ces sortes de gens, trop avides pour être justes, regardent tous les legs qui sont pour d'autres comme pris sur leur propre bien. Ils se réuniront donc pour m'écarter de ses yeux. Elle aimait à écrire des lettres. C'était un amusement pour elle dans son état. Ils l'en dégoûtèrent et l'en firent détourner par le médecin en la persuadant que cela la fatiguait. Sous prétexte que je n'entendais pas le service, on employait, au lieu de moi, de gros manants de porteurs de chaises autour d'elle. Et l'on fit si bien que quand elle fit son testament, il y avait 8 jours que je n'étais entré dans sa chambre. Il est vrai qu'après cela, j'y entrai comme auparavant et j'y fus même plus assidu que personne, car les douleurs de cette pauvre femme me déchiraient. La constance avec laquelle elle les souffrait me la rendait extrêmement respectable et chère, et j'ai bien versé dans sa chambre des larmes sincères, sans qu'elle ni personne s'en aperçût.